Il vaut mieux voir ailleurs, chercher du réconfort. Le même sable foulé par les mêmes abrutis, dont je pense heureusement faire partie. Prêt à me jeter à l'eau chaude ou glacée, après avoir enquillé la coutume à Martini. Je suis un automate, mais je ressens très bien que l'histoire est sur le point de s'achever. Entre retour désastreux et aller pitoyable, je me cesse à la merci d'un mauvais coup. Ça traîne des heures dans ma tête asphyxiée, car je bataille pour tout simplifier. Des soirées millimétrées aux milliers de verres encaissés, aux filles que je croise, que je ne reconnais plus. Et dans ces moments d'inertie, je me plais à dire: tant qu'on y est, autant ne pas se livrer. La morale est insensée, revendant-la aux pauvres. Et je termine la soirée ne sachant où aller. Quand je suis inspiré, je balance tout ce qui me passe entre les mains, je me laisse aller. Je fais un peu le mort et me tue dans l'effort. Il vaut mieux voir ailleurs, chercher du réconfort. Je ne dors pas encore sous les ponts ravagés. D'ailleurs c'est bien connu, il n'y en a pas où je vais. Par contre je me perds dans des rues éteintes. Et quand je me retrouve, c'est n'importe quoi. Je réitère chaque année mes errements, bien rodés, calculés, millimétrés, encaissés. Je découvre des choses qui n'existent pas. Pour combien d'heures encore, je ne le sais pas. Je commence à fatiguer sérieusement. Mes amis meurent peu à peu et je les oublie. D'autres personnes viennent combler ce vide, mais je sens que rien ne peut se perpétuer. Et dans ces moments d'inertie, je me plais à dire: il fut un temps où il suffisait de claquer des doigts pour qu'une fille vienne m'embrasser. Et les nouveaux amis rient de mon passé. Quand je suis inspiré, je balance tout ce qui me passe entre les mains, je me laisse aller. Je fais un peu le mort et me tue dans l'effort. Il vaut mieux voir ailleurs, chercher du réconfort. Que veux-tu ? Cet été, je me laisse brasser par les courants d'air, les appels d'offres, les invitations malsaines. J'ai tout à perdre et je veux marquer d'une pierre blanche ce qui sera la marque de l'accomplissement. Je traîne de plus en plus et j'égare mes sens. Je bois, fume et baise comme à la première heure, sachant pourtant que je devrais plutôt cesser de jouer avec le feu si je ne veux pas me brûler. Et je dis sournoisement à tous ceux qui m'écoutent: je suis dégoûté, même le soleil me dégoûte. Les plaisirs ont changé, pauvres abrutis. Et ceux qui m'écoutent ont au fait de s'éclipser. Voilà pourquoi je pense que c'en est fini de ces étés où mon insouciance pouvait cracher ses caillots de vie.